Vous écoutez Futur Simple sur CKRL et toujours au 89.1. Et pour ce dernier segment d'émission, on va rester sur le thème de l'eau, mais à l'échelle des cours d'eau. Donc Mélanie Jean reçoit en effet Éric Gagnon du groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Ce groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau vient de sortir une application iPad qui permet à tout un chacun de faire un diagnostic de l'état de santé des cours d'eau. Bonjour Mélanie, bonjour Monsieur Gagnon. Bonjour Valérie. Oui, juste avant le début de l'été, j'ai pensé vous présenter une application mobile qui est vraiment très intéressante et qui est complètement unique au Canada. Vous pourrez même utiliser cette application-là lors de vos escapades estivales, et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande aussi. Il s'agit de l'application Cours d'eau branchée. En fait, les cours d'eau, on le sait, c'est une ressource qui est d'eau potable très précieuse. C'est aussi un lieu de détente, c'est un lieu de refuge pour la faune. C'est donc une richesse inestimable pour nos collectivités. Et cette application-là, qui est unique au Canada, qui, comme tu l'as dit, a été développée par le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, bien, ça marie les nouvelles technologies pour sensibiliser les gens à la richesse des cours d'eau en leur permettant de l'explorer, d'évaluer son état de santé. Et on peut même partager nos découvertes via Facebook, même en profitant d'une activité de plein air. C'est ça, on combine les deux. Là, on va dehors et en même temps, on fait quelques observations. Donc, pour tous ceux qui sont accros à Facebook, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça même en plein air. Donc, ça a été lancé en partenariat avec TELUS, Environnement Canada, la Fondation de la Faune du Québec et le ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs. Et comme je le disais, ça marie de façon ingénieuse le plein air, l'environnement et les nouvelles technologies pour un objectif commun qui est la protection des cours d'eau. Donc, pour nous en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission M. Éric Gagnon, qui est coordonnateur au G3E. Bienvenue à Futur Simple. Merci. Donc, tout d'abord, à qui s'adresse cette application mobile? L'application, elle a été développée pour les appareils d'Apple, donc on parle d'iPhone, iPod, iPad. C'est une application qui est gratuite puis qui est disponible sur iTunes depuis quelques semaines. Nous travaillons également à compléter le financement pour développer la version Android, donc pour une autre partie des utilisateurs de téléphone. Ensuite de ça, Cours d'eau branchée, ça s'adresse à tous les citoyens. C'est une application qui est bilingue, donc automatiquement, selon la configuration de votre appareil, l'application va prendre soit en français, soit en anglais. Puis elle s'adresse d'abord aux citoyens du Québec et du Canada. Cependant, n'importe qui dans le monde pourra l'utiliser sans problème. Et c'est quoi l'objectif là, de cette application-là? Bien, notre organisation, on travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la surveillance écologique de l'eau. Nous travaillons entre autres avec plusieurs écoles, organismes de bassins versants et parcs nationaux dans le cadre de nos programmes de surveillance. Puis l'application Cours d'eau branchée, elle nous permet cette fois de toucher un plus vaste public. On avait deux principaux objectifs avec l'application. Notre premier objectif, c'était de faire connaître les petits cours d'eau par la population. En effet, en utilisant l'application, un citoyen va pouvoir en apprendre davantage sur différents paramètres qui touchent le cours d'eau. On peut penser à la pollution, à l'érosion des berges, à la végétation riveraine et à la biodiversité, par exemple. Puis, notre deuxième objectif, c'est de créer un vaste réseau d'observateurs des cours d'eau. En effet, l'application permet de prendre une photo qui est géolocalisée du cours d'eau, puis de répondre à un formulaire interactif, puis finalement de partager très facilement les résultats. Quelles sont les principales fonctionnalités de cette application-là? Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans l'application? L'application comprend trois principaux éléments. Tout d'abord, c'est, comme je viens d'en parler, un formulaire d'évaluation interactive des cours d'eau. La première étape, c'est de prendre une photo et automatiquement la station est géolocalisée. Par la suite, on répond à 7 questions à choix de réponse sur le cours d'eau. C'est toujours 3 choix de réponse. La réponse A étant la situation idéale et la réponse C, la situation... C'est quoi comme type de question? On va parler des... est-ce qu'il y a présence de déchets? Est-ce qu'il y a de l'éro... Est-ce que les berges sont érodées? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de la végétation sur les rives? On va regarder aussi au niveau de la biodiversité. La biodiversité... On va regarder la biodiversité aquatique en regardant, en tournant quelques roches et en observant s'il n'y aurait pas quelques larves d'insectes. On va aussi observer la biodiversité générale du site. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'être un scientifique aguerri pour faire ces observations-là, je pense. Non, c'est vraiment... toute l'information est disponible directement dans l'application pour répondre aux questions. Pour chaque question, il y a des exemples, il y a des photos qui sont données en exemple pour chaque choix de réponse. Donc, il est vraiment... C'est ça, il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances scientifiques. Puis... Il y a aussi, je crois, des capsules d'information qui, à chaque question, on apprend des choses en plus. Oui, c'est ça. En fait, on voulait vraiment ajouter un élément de sensibilisation, améliorer les connaissances des observateurs. C'est donc, pour chacune des questions, il y a un élément d'information, de sensibilisation qui est apporté en lien avec la question. Par exemple, si on parle de l'érosion des berges, ben on va amener de l'information sur c'est quoi l'érosion des berges, puis les conséquences, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, moi, mon onglet favori, c'est la carte interactive. Les résultats, en fait, sont accessibles à tous, je pense, grâce à cet onglet-là. Oui, en effet. Directement sur l'appareil, si on est branché... à Internet, on va pouvoir observer toutes les stations qui ont déjà été faites jusqu'à présent. Donc, si on se situe sur une rivière, puis qu'il y a déjà des stations qui ont été faites, on va pouvoir les faire, on pourrait même les refaire. Le valider, finalement, que deux observateurs différents. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de stations jusqu'à maintenant sur votre carte? Jusqu'à présent, on en a une quarantaine. Il faut dire que l'application elle a été lancée il y a environ 5-6 semaines. Puis, on n'a pas toujours eu du beau temps, mais ça commence tranquillement. Là, on commence à recevoir des stations. Puis, vous avez beaucoup de téléchargements aussi sur iTunes, je pense. Oui, on a 500 utilisateurs jusqu'à présent qui ont téléchargé l'application. Donc, on s'attend dans les prochaines semaines, les prochains mois, à ce qu'ils l'utilisent davantage. C'est vraiment très bien parce que je crois que vous n'avez pas eu le temps de faire encore beaucoup de publicité. Fait que c'est beaucoup, 500 téléchargements. Oui, c'est quand même très intéressant. Puis, la station la plus loin que vous avez jusqu'à maintenant, c'est où? En fait, les stations, dans celles qui sont publiées... on en a quelques-unes dans les maritimes, puis on en a aussi quelques-unes aux États-Unis, dans l'État du Nebraska. Puis on sait par contre qu'il y a des utilisateurs qui ont téléchargé l'application à l'autre bout du monde. Là. On est des gens en Afrique, en Nouvelle-Zélande. Vous êtes capable de savoir où ça a été téléchargé? Oui, dans le cas qu'il l'active, oui, on peut savoir. Ah, c'est super! Et je pense que là, vous avez aussi une version sur votre site Internet qu'on peut télécharger pour les gens qui n'ont pas d'appareil mobile. Oui, en effet, on avait d'abord sorti une version papier qui s'intitule le carnet de l'observateur. C'est vraiment le même principe. Donc, on peut aller sur notre site web et télécharger le guide, l'imprimer, puis l'amener sur le bord d'un cours d'eau. C'est vraiment le même contenu. Puis, si les gens veulent aller plus loin, puis soumettre aussi des stations qu'ils pourraient réaliser, ils ont simplement à avoir un appareil photo, puis envoyer l'information ainsi que les coordonnées GPS. Ils peuvent après remplir le formulaire sur le site du G3E. Ils peuvent remplir leur formulaire et charger les photos de exactement, de leur puis ça va être diffusé de la même façon. Ah, on va l'ajouter à la carte interactive à ce moment-là. Puis c'est ça, parlant de la carte interactive, j'ai parlé de la version qui est sur les appareils, mais sur notre site web, on a aussi une version. Mm-hmm. Donc, les gens qui n'ont pas nécessairement un appareil peuvent aller sur notre site web et ils vont pouvoir observer toutes les stations de nos différents projets, dont celui-ci, là, qui sont publiés. Bien, merci beaucoup, Éric. Puis, en terminant, je vais inviter les gens, on parle du site web, je vais vous donner l'adresse. Ben, absolument. C'est le www.g3, le chiffre 3, E, EWAG.ca. Et là-dessus, déjà en page d'accueil, on peut trouver facilement là, un onglet pour cours d'eau branché ou carnet de l'observateur. La carte interactive aussi est assez facile à trouver. Puis, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, Vous allez sur iTunes, évidemment, télécharger l'application. Je crois qu'on écrit seulement G3E et on la trouve hein, sur iTunes. Oui. Et si ça vous intéresse aussi d'en connaître plus sur le G3E, ils ont une page Facebook, ils ont un Twitter, ils sont très médias sociaux, tout ça, et très Internet. Donc, je vous invite à consulter leur site Internet et à télécharger l'application. D'ailleurs, là, l'été commence, là, ça va être idéal. Oui, c'est ça. Mais écoute, Mélanie, toi aussi, tu es très branchée sur Internet et tout ça, donc et Facebook. Donc, je te suggère de mettre l'adresse du G3E sur la page Facebook de Futur Simple. Tu m'as devancé, j'allais le dire. Je vais mettre un lien sur notre page Facebook de l'émission pour que les gens puissent télécharger l'application. Et c'est vraiment super le fun. Moi, je l'ai testé quelques fois, là, puis c'est vraiment plaisant. Mm-hmm. Donc, je vous invite à faire de même. Et puis, c'est une bonne occasion de sortir en famille aussi, puis d'aller faire des observations, de regarder les bibites qui se traînent sous les pierres. Et là, on peut avoir une excuse pour avoir l'iPhone dans les mains en plein air. C'est pour la bonne cause. C'est ça, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Éric Gagnon. Donc, c'est voilà un moyen facile et ludique de regarder autrement les cours d'eau et puis de participer à un projet de sciences citoyennes. Je pense que c'est quasiment ça, vu qu'il est question de mettre en réseau un petit peu toute une flopée d'observateurs pour documenter la situation des cours d'eau au Québec et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Donc, une façon à chacun d'apporter sa petite goutte d'eau à ce réseau-là. C'est merci beaucoup à tous les deux. Merci.